Pour commencer, pour débuter la troisième partie, je me suis permis d'écrire une question. Mais la question de tout à l'heure, c'était quoi? À la fin? Oui. Tu as eu le temps de la poser. Ah oui, OK. J'ai eu le temps de la poser. Non. Je la cherchais. Non, c'est ça. Au début, j'avais eu l'impression que la vie seule était mieux pour se conscientiser okay. Tout, alors que... Toutes les personnes qui sont seules, là, dans la conscientisation, ils se recherchent quelqu'un pour faire un couple. Oui. Puis tous ceux qui sont en couple, là, ils se recherchent une raison pour s'en aller tout seul. Pour s'en aller tout seul, c'est ça? C'est officiel. Parce qu'on a toujours l'impression que ça va aller mieux. Ah, c'est toujours plus beau sur le terrain de l'autre. C'est ça. Mais je m'aperçois que, finalement, la vie en famille ou en couple, là, c'est beaucoup mieux parce que ça va plus vite. Ah oui, c'est parce sûr. Que c'est mais là, tous les célibataires, ils pensent quoi de ce que tu viens de dire là? Là? En 92, il faut qu'il se trouve quelqu'un. C'est le message. Il faut qu'il y ait des enfants de 10 ans et 12 ans, puis qu'il y ait quelqu'un. Pas comme toi. Non, ça va pas mieux en couple, puis ça va pas mieux seul, puis ça va pas pire en couple, puis ça va pas pire seul. C'est de vivre sa réalité, non la fuite. Simplement, vivre ta réalité, c'est tellement banal, c'est tellement facile, tellement simple, mais l'humain, il faut qu'il complique tout, évidemment. Comme tout à l'heure, tu me disais, c'est simple en maudit, finalement, je te disais, oui, mais quand quelqu'un peut réchauffer, là, il va dire, c'est simple en maudit, t'as rien qu'à faire ce que je te demande, on dit si bien, c'est aussi simple. Mais là, l'autre, il faut que ce soit l'esclave. Ben oui, mais c'est pas, je veux pas que ce soit mon esclave, je veux juste que tu m'écoutes. C'est la même affaire. Fait que tout est extrêmement simple, sauf que quand on mentalise ou quand on est un petit peu trop astralisé, tout devient simple dans la complexité. Les Russes, l'ont toujours dit, c'est tellement simple, ils ont juste à accepter le communiste partout. Bon, les musulmans disent, c'est simple, acceptez Allah. Bon, on ne vous casse pas la gueule. Les catholiques disent la même chose, c'est tellement simple. C'est éliminer Allah. Et c'est tellement facile. C'est tellement simple. Sauf qu'à un moment donné, ben, les simplicités qui sont toutes divergentes finissent par créer des complexités qui sont convergentes. Hein? Puis là, ben là, tout le monde s'engueule, tout le monde a des problèmes, c'est compliqué, on comprend plus rien, mais c'est tellement banal, banal, banal, banal. Lâche les autres. Alors, être en couple, est-ce que c'est plus facile, être seul, est-ce que non, ça n'a rien à voir. Ça dépend uniquement de ce que tu es. La majorité des célibataires ne sont pas solides à terre, ils ont des penchants, ils en perdent l'équilibre de tout aussi. Sauf que les personnes pour qui ils en perdent l'équilibre veulent rien savoir des autres. Bon, la majorité des célibataires sont malheureux, sont convaincus qu'ils pourraient plus têter énergétiquement s'ils étaient en couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les célibataires, ils se disent tout, tiens, moi, si je serais avec un gars, je serais avec une fille, tu sais, on pourrait se minoucher, on pourrait, eh oui, tu pourrais posséder l'autre. Ah, mais non, moi, je le posséderais pas. Mais s'il ne posséderait pas, tous tes amis sont parfaits. On pourrait l'empoisonner. Ben, c'est ce qui arriverait. Pourquoi, toi, tu es célibataire, je suis célibataire? Pourquoi nous autres, on aurait l'impression qu'on pourrait plus avancer si on serait avec deux femmes? Pourquoi? Parce qu'on voit un couple de nos amis, puis là, on a l'impression que les soirs, ils s'énergisent, ils s'auto-énergisent. Ouais. Ben, rencontre une amie, fait la même chose. Ah oui, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que si elle décide de s'en aller, tu pourras pas lui imposer de rester. Parce que l'autre, elle fait des petits plats parce qu'elle se sent obligée, parce qu'elle est la femme de notre chambre, puis l'autre, elle le fera pas. Parce que pourquoi on aimerait plus vivre en couple? C'est pour aller chercher ce que l'amitié ne nous donne pas. Et qu'est-ce que l'amitié ne nous donne pas? Toutes les merdes et les problèmes du couple. La possession. Fait que tu vas dire, oui, mais gars, si en couple, ben on couche ensemble. Ben tes deux amis, ils peuvent coucher ensemble pareil. Ah, ben ça sera pas. C'est quoi le problème? Tu accouches un là, tu mets l'autre à côté. Non, mais les soirs, moi, j'aimerais ça, être assis, écouter la télévision, puis t'entendre pas passer la vaisselle, ou t'entendre faire quelque chose. j'aimerais ça, simplement qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Ben oui, c'est ça. Il y en a qui, on appelle ça la zoothérapie. Ça. Là, on voit quelqu'un dans la maison qui bouge un peu, qui se convoit passer, tu sais. La zoothérapie. Ah oui, tu peux acheter un chien, tu l'entends bouger, il vient te flatter quand tu veux, tu l'appelles, tu la manges, tu peux t'occuper de lui, tu l'empoisonnes pas, lui, parce que lui aime ça, lui, il a besoin de ça. Lui, tu décides quand tu le sors, lui, il décide où tu vas, surtout l'hiver, parce que c'est très puissant. Mais c'est de la zoothérapie. Fait qu'avoir quelqu'un dans la maison, avoir un homme, avoir une femme qui vient s'asseoir à côté, qui qui tasse un peu le sofa, puis là, faut qu'on s'en redresse un peu, tu sais, c'est puis qui couche dans ton lit, puis là, faut que tu le pousses un petit peu, puis là, il vient se coller, puis bon. Qui chiale, puis aller dehors, puis c'est ça, tu fais dans l'épicerie, puis là, tu penses à ton chien, ou à ton mari, ou à ta femme, ou à ton chat, t'achètes des bébelles, tout ça. C'est de la zoothérapie. Bon. Mais, c'est ça, quelqu'un qui est célibataire, qui pense qu'on est mieux en couple, ben, il devrait s'acheter un pitou. C'est-à-dire, c'est le terme, c'est pitou, ma colombe, en tout cas, c'est de la zoothérapie. Alors non, en couple ou seul, ça dépend de comment tu es. C'est ça. Quelqu'un qui dit, ouais, mais moi, là, je suis totalement pur et parfait. C'est l'autre qui, si t'es pur et parfait, l'autre est pur et parfait, ou est plus là. On peut pas t'endurer. L'autre personne, non, c'est ça. Alors en partant, ça sert à rien, c'est que si ça va mal dans le couple, celui qui se plaint n'a pas fait ce qu'il fallait. Puis pas changer l'autre, change-toi, toi. Puis l'autre, il passe ou il casse. T'as pas à forcer l'autre à changer. Le poids du sang, il passe. Ben oui, il passe toujours, parce que l'astral s'en sert uniquement. Les deux, ça fait longtemps que quand, comme tu étais en couple, fait bout de temps dans le couple. Oui. Quand on était en couple depuis longtemps, bon. Puis qu'on s'est enduré depuis longtemps, ben, il y a des raisons quelque part là-dessous. Fait que si on élimine toute la marde là, du couple, puis tous les problèmes au complet, là, il va rester une solidité. Peut-être que vous allez vous séparer, mais ça se voit à peu près jamais, puis vous restez totalement amis, ça n'a plus rien à voir. OK, mais tant qu'on a des enfants, ça devient ridicule de se séparer, parce que ça coûte plus cher, non rentable. C'est moins fonctionnel de ça. Énergétiquement, comme pour un paquet de raisons. Pas au niveau du bien, là, au niveau simplement de l'esthétisme et de l'intelligence. Bon. Sans ça, à un moment donné, les quatre, normalement, il y en a un qui décide de se prendre en main, pas de prendre l'autre en main. Moi, me prendre en main, c'est pas de décider qu'on passe l'aspirateur les mercredis. Pas ça, me prendre en main. C'est de décider que moi, je le passe le mercredi, OK. Mais là, l'autre, elle passe pas, ou elle passe aux deux semaines, ou elle passe jamais, ou elle passe le vendredi, ou elle passe le lundi. C'est son affaire. OK, c'est bien important. On ne peut pas exiger de l'autre qu'il embarque dans nos structures. Par contre, on doit imposer à l'autre qu'il ne puisse plus nous forcer à embarquer dans ses structures. Si lui s'accapare bien d'une maison qui est tout crottée, ben écoute, reste plus avec. Ou reste avec, puis toi, fais le ménage, t'aimes ça une maison propre. Oui, mais il a sali tout, c'est normal. Lui, il vit bien là-dedans. Ah oui, mais ça ne peut pas marcher comme ça. T'as raison, séparez-vous. Ah, il y a d'autres choses à faire. T'as raison, fermez vos gueules. Pas de chicane, part avec un tube de pâte à dents. Tout le temps. Il laisse le type de pâte à dents ouvert. Achète-le le tien, puis laisse le tien. Oh, mais il prend le mien. Mais prends-y, là, puis écrase dans la face, remplis-y les trous de nez. Bon, puis qu'il prenne plus le tien. Oui, mais là, tu le forces pas à fermer son tube. Ouais. Là, tu l'empêches de prendre le tien. Il nuance. Puis il n'y aura plus de chicane avec le tube de pâte à dents. Ouais. Une raison le moins de s'imposer. Il va parler du nez, mais. Il va être plus bien. Tout est tellement facile. Mais c'est pas. On est vicieux, hein, les humains. À un moment donné, on va acheter, par exemple, le mobilier de salon. Pour pouvoir dire à l'autre de ne pas mettre ses souliers-là, de ne pas s'asseoir comme ça, de faire attention au dossier. À un moment donné, on va acheter la vaisselle. Pour pouvoir dire à l'autre que s'il casse une affaire à un moment donné pour en faire un drame. Mais tu sais, quand tu casses ta vaisselle, c'est pas grave, c'est de la vieille vaisselle. Les maudits dangers. Ouais. T'achètes un manteau à la personne que tu aimes, puis elle le met pas souvent. Elle devrait, me semble, s'y voir, c'est au prix que ça a coûté. On est des maudits vicieux. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait acheté un beau tapis dans le salon, puis il voulait pas que les enfants y aillent. Mais c'est ça. Ah oui. C'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est ça, l'humain est vicieux, l'humain, là, il se poignarde sans arrêt, lui-même puis autrui, parce qu'on est totalement manipulé. La grande structure manipulatrice, c'est d'empoisonner la vie de tout le monde au complet. On s'empoisonne mutuellement, fait qu'on se vieillit puis on se tue. On se sent malade, on se déteste, on fait les guerres, juste à cause de ça. On est toujours en train de se mêler des maudits plans de vie des autres. Puis on laisse les autres mêler des nôtres à cause qu'on veut bien. C'est moi, il faut bien que j'autorise, est-ce que tu me manipules un peu parce que je veux te manipuler. Mais quand j'ai pu te manipuler, tu continues en arrière, ça, on va avoir autant mal. Si j'essaie de t'empoisonner, j'ai pas tout réglé, faut plus que tu m'empoisonnes. Mais là, faut pas que je te le demande. Faut que ça cesse. Ouais, faut que ça cesse. Mais c'est la même chose, tu vas n'importe où, c'est la même affaire. Puis c'est pas de ne pas se faire manipuler. Se faire empoisonner, c'est totalement différent. Quelqu'un arrive, un policier, vous donne une contravention, ça va rouler trop vite. Alors, lui, s'il pense qu'il va manipuler, qu'il manipule de votre façon, là, bon. T'as rien à voir. Empoisonner la vie de quelqu'un, c'est pas de venir frustrer vos petits égaux. C'est quand on se fait, c'est simplement quand tout ce que tu es en train de bâtir chez toi, vous savez, je veux que vous soyez des êtres capables de prendre des décisions. Compris? Parfait. Elle a dit, bon, voilà, non, assis. Bon. J'ai fait, pas de suite. Là, c'est un cours sur comment prendre des décisions. Bon. Et est-ce que je peux poser une question? Non! Mais là, si, moi, il ne prendra jamais de décision. Tu bords tout. C'est ce qu'on fait à l'école. À l'école, on veut que l'enfant, il finisse par se prendre en main. On lui dit quand arriver, quand manger, quand sortir, quand il y a récréation, quand il y a aux toilettes, qu'est-ce qu'il faut qu'il apprenne? On dit tout. Il faut qu'il apprenne à se prendre en main. Il apprendra ça. Où? Oui, quand? Avec la discipline. Ben oui. Surtout. Au cégep. Au cégep, il apprendra à se prendre en main. Il a passé 10 ans, 11 ans de sa vie à se faire taper dedans, à tout se faire organiser. Puis au cégep, on dit pouf, oh putain, t'as 18 ans, devant la bande. Bon. Fait que les échecs, ils sont tous là. C'est la même affaire. On ne peut pas, on est vicieux, mais vicieux, c'est une vraie farce. Alors, on doit absolument se centrer sur soi, plus centrer sur autrui. Puis on doit tout faire pour ne plus embarquer sur le dos, donc dans le plan de vie de personne. Ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme, ni tes parents, ni etc. Personne. Puis là, je reviens encore là-dessus. Votre enfant, il rentre chez vous avec ses bottes de boîte, là, puis il s'en va dans le salon, puis on ne peut pas rentrer dans son plan de vue, dans son plan de vie. Non, mais rentrez-y dedans, par exemple. Ouais. Il y a écologie aussi. C'est pas écologie, c'est que là, il y a un cadre particulier, puis c'est lui qui rentre dans le plan de vie de tout le monde. Okay. Qui prenne ses bottes, qui mette la gazette en dessous, qui rentre dans sa chambre, puis qui les mette dans sa chambre, ça le regarde. OK? Puis, mais l'écosystème de la maison. Sauf que moi, si j'aime placer les verres comme ça, puis là, je veux qu'il fasse la vaisselle, est-ce que je dois lui imposer de mettre les verres comme moi? Ouais. C'est ça, le chicane de famille recommence encore. Toujours pour des maudites niaiseries. Bon, il fait la vaisselle, qui place les verres comme il faut. Si ça n'a aucun sens du point de vue simplement de l'efficacité, on va y dire. Comme il dessert la table, et puis il met tout ça à l'envers dans le frigidaire. Il met tout ce qui est grand en avant, tout ce qui est petit en arrière, par exemple. Lui, il aime ça de même. Bon. Après ça, quand il fouille dans le frigidaire, il laisse la porte ouverte 5 minutes, 10 minutes, parce qu'il a le temps qu'il cherche. Et bon, là, on gaspille. Là, ce n'est pas écologique. Simplement. Là, il faut l'intelligencer. Mais on ne peut pas lui dire ce qu'il doit vivre émotivement. Parce que ça me dérange. Et là, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Bon, c'est banal. Tu sais, chaque fois qu'il sort de ton automobile, il ne ferme pas la porte. Tu l'amènes à l'école, là, il sort, il s'en va. Là, faut que tu débarques, fais tout, ferme la porte. À un moment donné, là, tout ça. Oh. Là, tu n'embarques pas dans son plan de vie. Ouais, mais moi, j'aime laisser les portes ouvertes. Ah, pas de problème, parce que tu prendras l'autobus. Bon. Tu sais, c'est ton auto, c'est ton plan de vie, c'est tes bebelles, il ne peut pas embarquer dedans. C'est simple. Oui, mais là, il ne faut pas exagérer. Mais c'est ça, il ne faut pas exagérer. Mais dans l'autre sens. Tu es non-fumeur, on fume dans ton auto, t'es un épais. C'est simple. Au moins, ça ne me dérange pas, la cigarette. T'es un épais. Ça t'empoisonne, ça te tue. Pas une question de déranger. Tu fumes déjà pas, puis tu laisses les autres fumer, t'es un épais. Oh, ben là, faut pas... Ça, c'est le maudit problème de l'humain. C'est qu'il y a toujours un moment donné où, apparemment, on exagère. Il faut pas polluer, mais il faut pas exagérer. Tu sais? Il y a toujours une pollution qui est saine. Tu sais? C'est ça, le problème. Il y a toujours un karma que c'est pas karmique. Puis il y a toujours une colère qui est une juste colère, puis une jalousie qui est une juste jalousie. Mais il y a des coups de poing qui vont être juste un coup de poing à un moment donné. Il y a des coups de pied qui vont avec ici. Bon. C'est tellement, tellement facile, mais il ne faut pas que les individus mentalisent parce qu'ils sont intelligents, puis toute leur vie est un enfer ou un or ou un fer. La moitié. Uniquement parce qu'ils ne sont pas capables non seulement de se prendre en main, puis en plus de cesser de laisser les autres choses. On vit encore avec être seul ou pas être seul, c'est la même maudite bébelle, ça n'a rien à voir. Si tu penses que tu serais mieux seul, c'est parce que tu n'as rien compris. Tu passes ton temps à fuir. C'est ça. Bon, parce que tout le monde voit tes problèmes, là, ben tu t'en vas tout seul. Là, personne ne t'est dit. T'as pas changé. Puis à un moment donné, là, qu'est-ce qui va arriver? Tu retrouves même les mêmes malheurs, les mêmes ennuis. Tu vas rencontrer d'autres amis, tu vas commencer à les pirater de la même façon. C'est comme le syndrome de la femme battue. Même chose. Avoir trouvé quelqu'un qui... Même chose. Bon, puis on continue. C'est le syndrome aussi des partis politiques des pays développés. Bon, chaque fois qu'il y a un tyran, on arrive à le mettre dehors, puis on met le tyran à sa place. Après ça, on le met dehors, on met notre tyran à sa place, puis c'est ça, comme ça. Haïti, c'est la même chose, puis il y a un paquet de pays, c'est toujours la même affaire. À la longue, à un moment donné, on casse, on ne fait plus la même chose. Mais en attendant, c'est ça, c'est des cercles vicieux. Puis l'humain est vachement vicieux. On va s'engueuler pour des crayons. Ah ouais. Moi, j'ai vu l'astral comment ça fonctionnait. Je me suis acheté 4 paquets de 10 crayons à billes. Puis je les ai mis en bas dans mon bureau. Puis à un moment donné, il n'y a pas grand monde qui vient à la maison. Il y a mes gars qui travaillent un petit peu à la maison, puis il y a ma femme, il y a moi. Puis à un moment donné, ben là, je mets un crayon sur le bureau à côté de l'ordinateur, puis un crayon dans mon bureau. Puis à un moment donné, il n'y a plus que sur l'ordinateur. Fait que là, j'en mets un autre. Puis à un moment donné, il n'y a plus sur l'ordinateur. Fait que j'en mets un autre. Dans le bureau, il y a avec moi qui travaille des années, puis il n'y a plus notre bureau. Fait que j'en mets un autre. Puis à un moment donné, mes crayons, mes boîtes, ils se vident progressivement. Puis on est deux dans la maison. Puis toi, de temps en temps, les crayons, ils partent tout après l'autre. Là, ce midi, je me rends compte qu'en haut, hop, je veux te savoir, il n'y en a qu'à 5. Quelqu'un a trouvé ce ami-là. Là, j'ai rapatrié en bas. Puis je continue comme ça. Mais veux pas, sur la quantité de crayons qui reste dans la maison, il y a probablement 3 boîtes qui sont disparues. Ou, je ne sais pas. Alors imaginez, ça c'est une stratégie des crayons, on en charge des maisons, puis quand on a des enfants, on cherche encore bien plus. Plus chicane que ça donne. Les règles, les ciseaux. Quand t'es trop, ils ne coupent plus, puis sinon on ne trouve pas. Bon, le papier collant, la brocheuse, en tout cas, bon. Mais c'est ça, on parle simplement de conneries énergétiques. Mais là, il faut qu'on soit capable de comprendre ce que j'ai expliqué, puis d'être suffisamment intelligent et intelligente pour pas faire du tyrannisme de la mécanique. Donc, on n'embarque pas sur le plan dit de personne, puis on débarque tout le monde sur notre dos. Puis le bonheur assuré. Puis celui qu'on débarque, là, il s'en va, là. Ben, il t'attend pour le débarquer. Puis, on a tellement peur. Mais quand je suis aux grands-parents, là, vos petits-enfants, là, ils font rien que vous promenez, puis ils vous font dépenser, etc. Ils savent que vous achetez leur affection, puis que ça me coûte cher. Coupez tout. Allez les voir. Oh, oui, tu m'as acheté une affaire. Non, fous de quoi, parce que tu ne méritais pas. Blablabla. Puis là, on continue. Mais continue, si tu n'en achètes, je t'en achèterai plus jamais. Il faut que tu changes, attends, c'est pas. Hey, mais mon petit Pierrot, si tu continues, je t'en achèterai plus. Mais c'est pas ça, là. C'est vrai, mais Pierrot, je ne veux pas t'en acheter. Fous de quoi? Parce que! Là, c'est de placer ses énergies, là. Le recentrer. Là, il s'en va en tremblant un peu, là. Là, il pense que grand-papa est malade. Mais c'est réglé. Puis après ça, tu vas le voir encore, puis lentement, l'astral va le reprendre, puis va encore commencer à vouloir te minoucher pour que tu achètes des bébelles, puis c'est non. Puis il va dire, pourquoi? Mais parce que j'ai pas le goût de crier comme l'autre fois. Bon, ben avec c'est comme ça. Faut cesser de se faire charrier. Le terme exact, c'est cesser de se faire chier. Puis c'est vrai. Alors, il faut être transparent, puis il faut imposer ce que nous sommes. Donc, vous devez imposer ce que vous êtes. Puis là, je dis pas, c'est pas au détriment du bonheur des autres. Les autres ne sont jamais heureux avec vous autres. Bon, hein, à un moment donné, on parle encore des fêtes, vous y allez, ils sont tous heureux, c'est merveilleux. Ben oui, mais l'année prochaine, ça va recommencer. Là, si vous leur dites, écoute, ça fait 25 fois que j'y vais, cette fois-ci, j'y vais pas, ben vous êtes un maudit chien comme si vous ne seriez jamais venu. C'est pire. Fait qu'à un moment donné, il faut leur expliquer puis les placer. Là, ils vont dire, je l'ai invité, mais tu sais comment qui est, puis on ne sait pas s'il va venir. Mais il n'y a plus personne qui vous haït. On vous trouve original, on vous trouve un peu chnic-chnic, mais c'est réglé. Là, quand vous arrivez, on est deux fois plus content de vous voir arriver que toute la gang qui se présente sans s'arrêter de la même façon, puis qu'on a hâte de voir partir. Puis quand vous partez, ben, ils vont essayer un petit peu, mais là, ils vont dire, l'année prochaine, si on veut qu'ils reviennent, là, vous en allez. Et oui, mais on va apprécier votre présence. On ne se ramasse pas tout seul, sauf qu'on mène notre vie. On cesse de se faire mener notre vie par l'extérieur. On prend pas la majorité de toute notre vie à essayer de s'ajuster au débonheur des autres. On a une opinion. T'as une opinion de toi? Ça. Je suis fatigué. Ah ben oui, oh non! Si. Je suis fatigué! Mais fatigué! Dis-moi ce que tu voudras, je suis fatigué quand même! J'ai fait, pas une heure, on va faire! brillant! C'est pas une œuvre, un fin. Ah, ben ok, j'ai plus faim. Mais c'est ça. Au début, c'est toujours d'aller briser un peu les humains. C'est d'aller, tu sais, briser un peu les humains. C'est de placer les choses. Puis, c'est très rapide que les gens finissent par plus te sentir ou bien te sentir. Et que fait combien d'années vous passez là, à essayer à vous mêler des affaires des autres, à souffrir, à pas être content de l'extérieur parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais ça fait 20 fois que j'ai dit, puis s'ils m'auraient écouté, ils n'étaient pas dans l'énergie de t'écouter, c'est simple. C'est toujours le même maudit bébé, tant que tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu prends son énergie puis tu prends la tienne, il ne comprend pas. Lâche-le, à un moment donné, il va se casser la gueule une fois et deux, il va commencer à se retrouver dans son énergie, il va commencer à fonctionner. Puis là, mentalement, on va se donner des conseils, c'est-à-dire qu'on va être capable de partager nos énergies de façon à augmenter notre potentiel. On va synergiser, mais pas émotivement. Bon, puis l'humain, lui, il commence au niveau du mental, parce que les transitifs, là, ils font comme les gars avec les filles. La majorité des gars, qu'est-ce qu'ils font avec les filles? Ils parlent de ce qui intéresse les filles. Puis après ça, dans le temps, on s'en va, puis on s'en va, puis on s'en va, mais bon. Bon, les ésotéristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent d'évolution. Puis c'est pas long pour évoluer mieux, là, c'est dans la couchette. Il y a des affaires qu'il faut faire, tu vas évoluer mieux. On va faire un échange d'énergie, une injection d'énergie, tu sais, bon. Puis là, oui, il y a des maîtres, puis c'est comme ça, ça fonctionne. Hein, il y en a à Montréal, ici, là. Puis-je mettre ma main sur votre moula dhara chakra? Bon, il disait ça à une fille, il voulait mettre sa main pour l'énergiser. Le chakra sexuel, tu sais. C'est son moula dhara chakra, il voulait l'énergiser à ma femme. Et là-bas. Ah oh, ouais, mais c'est un bonhomme qui est très respecté en région. Et puis, en tout cas, c'est correct ce qu'il fait, mais il y a des... je parle pas du mouladeur en chakra, mais je parle de tout le reste complet. Il instruit l'astral, ça permet aux individus, à un moment donné, d'apprendre à décrocher. Mais ce qui est très, très, très important, c'est qu'on doit faire attention, même au niveau des transitifs. On va commencer par l'évolution, on va commencer par les ci, par les ça, puis après ça, progressivement, on va commencer à empiéter sur le terrain de l'autre, au nom de la conscientisation. Parce qu'il n'a pas compris. Bah, c'est ça. Toujours au nom de la conscientisation. J'ai la vérité. Ben, c'est évident, on trouve la vérité. On trouve... Mais à un moment donné, au bonheur, on va venir en disant, ah oui, hein, tu dis tout le temps, ben, puis on pique-pon, et donc. Ce qu'on dit, puis ce qu'on fait, c'est deux, puis c'est normal. La parole devance énormément l'action du corps physique. Bon, on est en contact supramental, on parle, en parlant, on s'instruit. Bon, ben écoutez, on s'instruit. Vous avez le droit de parler, puis vous avez même le droit de ne pas faire ce que vous dites. Vous n'avez pas le droit d'excuser que vous ne le fassiez pas, par des raisons qui sont émotives. Alors, moi, je n'ai pas besoin de le faire parce que moi, je suis au-delà de ça. La cigarette, c'est mauvais, mais mon énergie transmute la nicotine. Ouais, ben, transmute ta volonté en même temps, je pense. Tu perds la volonté en même temps, tu perds la nicotine. À quoi ça sert de prendre de l'énergie pour transmuter la nicotine si tu as l'énergie, tu n'as pas fumé, tu sais. Sans ça, ben écoute, c'est parce que tes poignets, tu as encore besoin de ça, tu es restrifié pour équilibrer tes corps. C'est tout vrai. Tu sais, il y a des explications qui sont incorrectes, des explications émotives, des explications, là. Alors, les transitifs, ils vont se ramasser là-dedans à un moment donné. Là, j'embarque plus sur la vie de personne, mais n'embarquez pas sur la mienne. Puis embarquer sur la mienne, ça veut dire que quand tu pèses sur mon ombre, là, t'es déjà sur mon dos. Tu sais? Ça veut dire que quand tu éternis pas comme je veux, là, t'es sur mon dos parce que ça vient froisser mes énergies. C'est ça. Bon, là, on est une gang d'épais, si on pense comme ça. Puis là, on commence encore à embarquer sur le dos des autres. Pourquoi? Parce qu'on va astraliser l'information. On va prendre l'information, on l'informe, c'est ça. On la déforme, puis à un moment donné, ben là, on décide que mon plan de vie s'étend même à votre vécu. Donc, j'ai le droit maintenant de manipuler mon plan de vie au travers de vos expressions. T'sais? Ben là, c'est des coups de pied au derrière, puis etc., qu'il faut qu'on donne. Avec un bouchon, il faut couper l'ego. C'est très, très, très, très, très simple. Il faut comprendre ce que je dis. On a un espace vital, on a nous-mêmes. Puis, ça, on doit avoir une opinion suffisamment centrée de nous-mêmes pour que ce que nous voulons, ou ce que nous esthétisons, ou ce que nous intelligençons, soit. Mais eux, mais l'autre, il ne comprend pas. C'est dans ses pénates encore. La lampe, elle ne comprend pas. Mais vouloir tout faire pour qu'elle comprenne, c'est la même chose que de prendre le voisin pour qu'il comprenne. Si elle a comprendre, elle va comprendre tout seul. Puis si le voisin comprend, il va comprendre. En jasant, on va échanger des énergies, etc., mais on ne fait jamais comprendre rien à personne. Puis ça, je dis souvent, moi, je ne fais rien comprendre. Ce que vous savez déjà, je le réveille, puis je mets des mots qui vous permettent de clarifier la pensée. Vous dites, ah, maudit, il dit bien, là. Vous le saviez déjà. Mais ce que vous ne saviez pas, je ne fais pas de l'information directe. Le crayon, ici, est constitué de trois morceaux extérieurs et d'une tige. Bon, ça, OK, si vous ne le savez pas, vous l'apprenez. Puis encore là, par Kim Bernardis, lui-même le sait déjà. Mais au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau supramental, les individus sont capables de supporter ce qu'ils savent déjà de ce que je dis. Bon, la majorité de ce qu'ils savent déjà, c'est parce que c'est mon intelligence qui les habite, mais si mon intelligence les habite, c'est qu'ils ont toutes les structures pour être habités par leur propre intelligence à un moment donné, qui va aussi comprendre et savoir ce que je sais. Ce qui fait qu'on n'apprend rien à personne. Donc, ça ne sert à rien de crier, ben, de crier. Ça peut servir à crier pour placer les canaux énergétiques, mais ça ne sert à rien de se missionner ou de vouloir constamment d'un patate ou d'un patte de l'autre pour arriver à le manipuler. Il faut relaxer. Oui, surtout. Bon. Moi, j'ai ma question. Vas-y. OK. Mais juste avant, là, je voudrais faire une... On va dire ça, c'est juste avant. Ouais, c'est là. Juste avant. Trop tard? Ouais. Okay. Non, ben vas-y, juste avant, bien vite. C'est la cause du vieillissement, finalement, c'est l'empoisonnement. L'empoisonnement physique, l'empoisonnement vital, l'empoisonnement astral, l'empoisonnement mental. C'est la cause. C'est la cause. OK, d'accord. Moi, je voudrais savoir... Ça, mais... Une des questions qui m'habite, là, depuis un bout de temps, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau... ésotérique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le monde reparte à zéro, à l'année zéro? C'est pas nécessairement parce que quelqu'un s'est ramassé sur une croix. Non. C'est quoi la... C'est une très très bonne question. C'est une très très longue réponse. On va passer. Mais c'est très intéressant. Faudra que tu la gardes. Prochaine conférence, on peut commencer avec ça. Parce que c'est mieux que ça. Je te le dis pour que tu la ramènes à la prochaine conférence du mois. Parce que c'est pas juste le fait qu'on est en l'an moins 1. Non, non. Pouf, on est en l'an 1. Il n'y a jamais eu dans zéro. C'est le okay? point. Il n'y a jamais eu dans zéro. Non, ouais, je sais bien. Non, c'est ça. Mais tu vois, je comprends, tu parles de l'an zéro, là. Mais pour que tout de suite, tu veux dire simplement, c'est pourquoi qu'on a fini par arrêter tous les calendriers existants. On a décidé qu'on partait, paf, à partir de l'an 1, à partir de la naissance de Jésus-Christ. En réalité, quelques années après, là. Mais pourquoi on a décidé, à un moment donné, que toutes les chronologies de ce qui dominerait le monde partaient maintenant. On va en parler. Partir pour aller jusqu'où? Ouais, ça crée la manipulation complète de tout ce qui se passe présentement. C'est pour ça que j'ai dit une très, très longue réponse. Ouais. Mais c'est très intéressant. Il faudrait revenir là-dessus, sur ce sujet qui est vraiment bien. Énergétiquement, ça va amener plein de choses à l'Europe. OK, d'accord. Alors, je vois tout, je suis empoisonné, j'empoisonne ensuite. Je m'excuse, je suis culpabilisé. Et ça tourne en rond. Je suis écœuré, vidé. Quelquefois, je coupe sans couper. Comment clarifier? Voilà. La meilleure chose pour clarifier, c'est d'écouter les deux premières parties de conférence. Je comprends, vous les avez écoutées, vous les avez entendues. Cette conférence-là, c'est une conférence de chevet, cette personne-là. Parce qu'elle doit reprogrammer l'ego. Elle n'est pas folle, elle est intelligente, sauf en dedans, il y a un paquet d'affaires qui sont mélangées, des morceaux d'ego qui ont été fractionnés à un moment donné, qui sont portés de bonne place, etc. Plus, il y a des possessions du passé, des culpabilités à cause de certaines choses. Cette personne-là réincarne de très grandes personnes du passé qui, historiquement parlant, ne sont pas nécessairement de bonnes personnes. Historiquement parlant. Et pas en réalité. Bon. Alors, la personne ici, c'est sûr qu'elle empoisonne, se fait empoisonner, etc. Puis elle voit l'affaire au complet. Tout ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle réécoute la conférence. Puis qu'elle s'enligne pour noter, faire un travail. Mais quand je parle d'écrire, les gens ne sont pas écrivains, ben. Faut qu'elle note les fois où ce qui n'est pas correct, puis les fois où ce qu'elle se laisse embarquer dessus, puis il faut qu'elle travaille ces choses-là, puis elle va finir par se libérer de ces choses-là. Il faut qu'elle réécoute la conférence. Il y a de l'énergie au niveau de la conférence, plus de l'information qui va finir par placer ces choses chez elle. C'est très, très, c'est une conférence chevet, les deux premières parties. Là. N'est-il pas méritoire de faire des exercices énergisants pour pouvoir se fabriquer une masse énergétique, et enfin ne plus être, ou de moins en moins, assujetti au monde méritoire? Non. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris ce que c'est que méritoire. Méritoire, ça veut dire qu'on fait quelque chose dans le but de s'autoriser à. Alors, manger pour avoir un corps en santé, c'est pas méritoire. Hein? Mais si on dit, je mérite d'avoir un corps en santé, ça fait que je mange, quelque part, on a fait de quoi qui était méritoire, puis là, ça nous autorise à manger mieux. Alors, faire des exercices pour aller chercher de l'énergie, c'est de contrôler les mécaniques qui sont extérieures. C'est pas une question de mérite. Mais si on dit, quand j'aurais fait ça, on va mériter d'avoir telle affaire, là, c'est méritoire. On le fait, mais on le fait méritoirement. Alors, faire de la course à tenir en forme, c'est pas méritoire. C'est exécutif, c'est une mécanique. Et une personne qui pratique, quelle que soit la technique pour amasser de l'énergie, c'est pas une question de mérite, pas au niveau de la technique, c'est au niveau philosophique que c'est méritoire, si elle en fait une philosophie méritoire. Bon, par exemple, arriver à un contact supplémentaire, c'est pas méritoire. Mais la chrétienté dit que faut que tu mérites ça. Mériter ton ciel, c'est mériter les cieux. Faut que tu mérites. Alors, l'individu qui fait des choses pour mériter quelque chose, oui. Autrement dit, l'individu qui fonctionne uniquement émotivement, le mérite, c'est émotif. Par exemple, est-ce que je mérite de passer à tel degré initiatique? Donc, il faut que tu ailles plus à quelqu'un Faut que tu plaides à une autorité quelconque. Mériter, c'est de toujours vouloir décrocher le gros loup quelque part. Et empoisonner quelqu'un. Oui, faut que tu plaises à Dieu, tu mérites le ciel. Faut que tu plaises à Jésus, faut que tu plaises à Allah, faut que tu plaises à Manitou, faut que tu plaises, etc. Alors, n'est-il pas méritoire que de faire des exercices énergétiques pour pouvoir se fabriquer une masse énergétique? Absolument pas. Ça peut être méritoire, dépendamment comment l'individu le fait. Si l'individu se dit qu'elle se mortifie à faire des exercices énergétiques, parce que quand elle va en avoir fait suffisamment, elle va avoir telle chose, c'est méritoire. C'est comme par exemple, vous avez mal à la jambe gauche, vous montez les marches d'aratoire à genoux pour vous guérir, probablement que rendu en haut, vous avez plus mal à la jambe gauche. Vous aurez mal aux deux. Bon. Mais là, il y a un mérite. Alors, c'est émotif. Je dois m'humiliser, m'humilier en réalité, suffisamment pour que Dieu devienne... tout le monde dit, il faut que j'ai cœur assez Dieu dans ma souffrance pour qu'il me guérisse, pour la paix. Bon, c'est ce qui se passe. Mais il faut y... sauf que son degré de tolérance est grand. Donc, il monte souvent les marges oratoires. Ouais. C'est pas méritoire que de faire quelque chose qui nous amène à avancer. C'est méritoire uniquement si on le fait en fonction d'une accréditation par une autorité extérieure. Ou intérieure, mais d'une accréditation. Daniel, pour me centrer dans mon intelligence, je sais que je dois être transparente. Quelle est la mécanique qui fait que je sens de l'animosité envers les personnes à qui je parle? Même chose, simplement, bon, c'est la même chose. C'est très, très, très long. J'ai parlé à travers... Premièrement, probablement que chez certaines personnes à qui vous parlez, vous reconnaissez chez elles des choses que vous avez chez vous, donc en partant, ça vous dérange énormément. Il y a une forme d'orgueil, probablement, qui vous habite, qui vous empêche carrément de parvenir à être transparent réellement. Puis ce qui arrive souvent, c'est que les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une chose, on va dire la transparence présentement, vont jouer à la transparence et sont un peu hypocrites. Puis chaque fois qu'ils jouent à la transparence, ils peuvent finir par avoir de l'animosité envers autrui parce qu'inconsciemment, eux en décodent que c'est eux autres qui les forcent à être transparents, donc c'est à cause d'eux autres qu'eux autres sont hypocrites, ce qui fait que finalement, eux autres sont pas corrects. Psychologiquement, là, tu peux t'organiser souvent d'une façon très intéressante. Alors, quelle est la mécanique qui fait que je sens de l'animosité envers les personnes à qui je parle? C'est sûr qu'en plus, si vous n'êtes pas réellement transparent, en jouant la transparence, vous pouvez vous heurter à plusieurs petits miroirs chez l'autre de ce qui se passe chez vous. Il y a tellement de façons d'arriver à sentir de l'animosité, ou même une forme de snobisme à travers la transition. Ou se missionner à être transparent. Bien, là, c'est autre chose. Ou l'animosité. Mais effectivement, ouais. Certaines personnes très rares, des hommes d'une certaine grandeur et corpulence, pourraient, à un moment donné, effectivement, se missionner à être transparent. Très rare. Comment décrocher quand ma fille de 2 ans et demi mord ma soeur de 8 mois? C'est là, un plan de vie? Ouais. Elle a mort sans cesse et sans aucune raison apparente, en réalité, pour faire sécréter ses parents. Ben oui. Mais là, je ne veux pas vous dire comment, mais ça se règle facilement. Parce que si vous ne trouvez pas comment, vous ne pourrez pas appliquer convenablement ce que je vais vous dire. Si je vous dis comment faire, vous allez l'appliquer d'une façon désastreuse. Si vous le trouvez, vous allez l'appliquer d'une façon correcte. Mordez-la. Écoutez-le pas, mordez-la. Mais ça s'appelle placer les énergies. Très souvent, de temps en temps, je vais laisser glisser des mots qui vont progressivement vous expliquer ce que c'est que de mettre des canaux en place, placer les énergies de quelqu'un d'autre, ou les siens, ou placer les énergies d'événements. Pourquoi je ne l'explique pas là? Parce qu'il y a trop de personnes qui ne peuvent pas comprendre. Des personnes qui ont trop d'ego, des personnes qui ne sont pas encore suffisamment centrées, ils vont tout vouloir appliquer ça parce que ça donne de la puissance. Les individus vont rechercher le pouvoir inconsciemment. Alors qu'en glissant de temps en temps des petits mots comme ça à la volée à travers différentes conférences, les individus qui ont ce qu'il faut pour être capable de l'appliquer vont avoir ce qu'il faut pour être capable de rapiécer les morceaux. Ils pourront le faire. Autrement dit, je vais le communiquer, mais pas clairement. Mais effectivement, ça se fait facilement. 2 ans et demi en plus qui mord sa soeur de 8 mois. Tape. Bon, là, achetez-y un dentier, celle de 8 mois. Non, mais ça se fait facilement. C'est facile. Puis là, ne pas. Bon, c'est ça, mais je vais lancer des. Pas aujourd'hui, là. Mais je vais expliquer progressivement comment on plante des énergies. Tu ne lanceras pas tes dentiers. La semaine dernière, j'ai fumé du hash. Je lis, là, c'est pas moi. J'ai demandé si c'était drogué. Il a dit, moi, j'ai jamais pris d'opium. Du hash. J'ai fumé du hash et j'ai eu l'impression de conscientiser les plans invisibles. Ben, c'est évident. Bon. C'était du bon. C'est évident. Ça sert à ça, le hash. La révélation que j'ai eue, c'est que ce n'est pas dans mon... Ce n'est pas mon corps qui deviendra éthérique, mais les plans éthériques qui deviendront matériels sans baisser pour portant en vibration. Mais c'est exact. C'est exact. Pose-moi ça maintenant. C'est totalement exact parce que la personne, elle a simplement compris ce que j'ai expliqué souvent en conférence, donc elle n'a pas eu de révélation à travers son hash. Mais j'ai expliqué, ici, là, la semaine dernière, j'ai fumé du hash et j'ai eu l'impression de conscientiser les plans invisibles. Effectivement, vous avez eu l'impression, puis c'est vrai que j'ai eu l'impression. Je répète encore une fois que quelqu'un qui prend de la drogue montre exactement, dépendamment des drogues, dépendamment des corps, mais la majorité se ramasse avec leur conscience dans l'ère nouvelle. Ils se ramassent là où l'humain est beau, là où l'humain est transparent, là où l'humain est, etc. Puis là, ils trippent, c'est au bout. Mais rappelez-vous ce que je dis. On est dans un vaisseau spatial, puis la personne, elle se ramasse dans le hublot dehors. Puis elle voit ce qui se passe en dedans avec sa drogue. OK? Fait que là, elle peut dire, hey, j'ai tout vu. Oui, mais tu ne seras jamais à bord du vaisseau. Pour rentrer dans le vaisseau, c'est pas avec la drogue, c'est avec la cellularisation et la conscientisation. Alors, la drogue, ça vous permet d'aller voir. Puis une fois que vous avez vu, c'est mieux que rien. J'ai tout vu, hein, c'était au bout. Alors, de ça à bord, après ça, puis explique à ton ego, mon petit, t'as vu, t'as bien aimé ça, maintenant, il ne retourne plus. OK? On va prendre un chemin qui est beaucoup plus long. Puis l'ego ne voudra pas. Fait que là, on se ramasse avec une dépendance psychologique. Puis évidemment, progressivement, on finit par avoir une dépendance physique parce que le corps physique se nourrit aussi de ce qu'il va voir là-bas. Puis quand tu reviens, le bad trip, le mauvais voyage, quand tu reviens, c'est la différence de potentiel entre ce que tu as été et ce que tu vas retrouver. Tu descends plus bas parce que la drogue détruit le corps physique, progressivement, mais veut pas. Et quand tu redescends, bien là, évidemment, c'est compliqué en maudit. Fait que t'as qu'une seule idée, à un moment donné, c'est de retourner en haut là. Alors que si tu te conscientises, tu laisses le temps aller, tu vas finir par te ramasser à la même place. Évidemment, il n'y aura pas de différence de potentiel. Vous êtes dans le vaisseau, vous ne tripez pas autant que quand vous avez vu le vaisseau de la première fois. Il n'y a pas de différence de potentiel. Donc, tu vas dire, il me semble que c'était plus trippant que ça quand je t'ai drogué. Je connais des personnes qui sont rendues à un état de conscience très, très, très élevé. Et puis, à un moment donné, eux autres aussi ont pris un peu de drogue. Puis, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout croche puis qu'ils ne voyaient rien de plus. Non, la drogue amène là. Mais tu es déjà là, pas de drogue. Fait que c'était pas plus trippant. Il y a de la misère à marcher, puis il n'y avait rien de différent. Il ne voyait pas plus les auras que ce qu'il voyait normalement. Il ne conscientisait rien de plus. Non, parce que la drogue t'amène à un niveau. La drogue ne t'amène pas à un niveau supérieur, elle t'amène à un niveau. Si tu es en haut, elle te descend. Si tu es en bas, elle te monte. Si tu es égal, elle te laisse là. Alors l'individu, c'est pour ça que la drogue, comme l'alcool, c'est extrêmement dangereux, parce que ça t'amène souvent à un degré de vie qui ressemble énormément à ce que les êtres conscients vivent ou vont vivre. Mais tu n'es pas là-dedans. Par exemple, t'es pogné, tu prends de l'alcool, puis là, on est moins pogné, puis on peut rire un peu plus, puis on se décontracte, puis on se dit des choses. Ouais. Puis quand tu commences à aller un peu loin, le cerveau commence à être imbibé un peu trop, là, tu commences à déconner. L'alcool te permettait de te sentir mieux. Il faut qu'on boive, un peu, comme ça, c'est... Mais l'être nouveau, lui, il boit pas un peu, il s'amuse déjà. Mais l'alcool t'amènera pas à des étapes de samadhi suprême. Le H t'amène plus haut. L'opium t'amène encore plus haut. Et puis, il y a d'autres drogues qui t'amènent jusque dans le monde de la mort. Ça, les boutiques carrément, puis voilà. Alors, la drogue, ça te permet de venir voir dans la fenêtre, tu regardes en dedans, nous, on te regarde, on te fait bye-bye. Là, tu veux nous serrer la main, on approche notre main. Fait que là, on serre la main, disons, comme la philosophie. Fait que tu places ta main dans la fenêtre, on place notre main en avant. Fait que tu es tout content de toucher la main des hommes nouveaux. Il y avait une fenêtre blindée en triple vert, totalement étanche, entre. Fait que tu redescends à bord en disant, hey, c'est-tu au bout? Et oui. Nous autres, on reste en dedans, puis on dit, un autre visiteur qui passe devant là. Bon. Mais tu ne toucheras jamais réellement. Ça vient stimuler chez toi. La drogue a stimulé chez toi ce qui se passe. Tu ne rentres pas dans l'air nouvelle. Tu ne rentres pas dans l'air de conscience. Tu ne rentres nulle part. Donc, les drogues, il faut faire. Mais c'est sûr que la drogue t'amène à voir. En plus, que c'est probablement une copie astralisée. Ben, c'est pour astraliser parce que t'es toi, c'est évident. De toute façon, si ce serait pas astralisé, tu te rendrais compte que t'es dehors. Mais ta drogue, t'en prendrais pas souvent, oui. Je peux prendre de la drogue, me ramasse dehors du train. C'est pas génial. Ben non, c'est astralisé, là. T'as l'impression d'être dedans, toi, là. Un peu comme les pauvres qui adorent les riches et qui disaient, maudit qu'on est bien. Il regarde tout manger, là. Hey, on est bien, hein. Tu vois, on peut faire des belles tables, hein. Puis on a la belle cuisine, hein. Puis, hey, on est dessus, bien. C'est riche qui mangeait, tu sais. Mais là, celui qui prend la drogue, c'est presque ça qui vit. Fait que tant qu'il est dans l'illusion, ça va bien. Quand il se rend compte qu'on n'est pas bien, est-ce qu'ils se font bien dans ce qu'il fait, ça va mal. Là, tu m'as souffert. Tu prends un peu plus de drogue. Lors de digestion égoïque intense, ce que j'appelle égoïte aigu, je me retrouve avec une douleur au bas du dos qui m'empêche d'être fonctionnel. J'essaie de décider, mais la confusion règne. Je suis partagé entre l'idée qu'il est inutile d'investir dans la psychologie, car c'est nourrir les parties de mon ego, et l'idée que je constate que le corps physique souffre et que j'aimerais le soulager. Qu'en penses-tu? Bon, je ne pourrais pas d'en penser grand-chose, là. Égoïde veut dire inflammation de l'ego, en passant. Bon. Alors, quand l'ego fond, il n'y a pas d'inflammation de l'ego, hein? It, c'est inflammation. Je dis ça comme ça parce que c'est bon. Parce qu'à un moment donné, vous allez arriver avec quelque chose d'intéressant. Vous allez dire à quelqu'un une égoïde, puis l'autre, là, c'est un fief intellectuel, puis il va tout vous démolir au complet parce que vous n'avez pas envoyé le bon suffixe. Bon. Alors, lors des digestions égoïques intenses, maintenant, il faut faire attention. La majorité des personnes, ils sont convaincus qu'ils gèrent intensément leur ego, ne le digèrent pas intensément. Ils s'égoïsent, ils sont à côté de la traque, puis ils s'imaginent, ils ont un concept, puis ils philosophisent là-dedans. Parce que chaque fois que ça va mal, là, c'est parce que je suis en mutation présentement, et puis j'ai l'impression que mon orteil a son ongle incarné. Je ne dis pas que la personne ne le vit pas, je dis simplement de faire attention. Parce que les époques de digestion intense, il n'y en a pas sur la planète. C'est sûr qu'intense, on s'entend. Hein? Bon. Maintenant, je me retrouve avec des douleurs au bas du dos, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'ego, nécessairement, fuit. Donc, il se passe de quoi? L'ego va fuir. Puis l'ego, qui est normalement centralisé au niveau du centre coronarien, du cœur plutôt, puis au niveau de la tête, ben nécessairement, il peut fuir au niveau du corps physique ou simplement créer des stress ailleurs. L'ego a peur, puis ça va se répercuter au niveau du corps physique. Puis étant donné que le corps physique est mobilisé, la personne, elle se concentre, elle est achalée, empoisonnée par les problèmes du corps physique. De ce fait, elle a moins d'énergie à mettre à la conscientisation, pour autrement dit, elle avance moins bien. Mais toutes les personnes ont besoin d'alimentation astrale, d'alimentation vitale, d'alimentation mentale, d'alimentation physique équilibrée. C'est ça qui va régler le problème de la personne, puis c'est ça qui va régler toute la phénoménologie des problèmes planétaires humains. Autrement dit, c'est être capable de s'entourer d'amis. Puis quand j'ai déjà dit, là, quelques mois, que dans les années qui viennent, arrangez-vous pour avoir des amis, parce que vous allez voir, ça va être la base essentielle à la survie. Pourquoi? Parce qu'on va, en ayant des amis, c'est exactement comme si on était des marins cultivateurs. On vous dit rien, là, marins cultivateurs? Oui. Un marin, c'est quelqu'un qui a un bateau, qui peut s'ancrer son camp avec un bateau à voile n'importe quand, qui ne dépend de personne. Il est cultivateur parce que n'importe quelle terre où il va aller, il va être capable de semer ce qu'il faut pour s'alimenter. C'est ça. Gaspésien. Bon. Celui qui va avoir des amis va être un marin cultivateur. Il va avoir toute la banque d'énergie nécessaire pour s'alimenter, puis il va avoir la force motrice énergétique nécessaire pour s'ancrer son camp. OK? Maintenant, des amis, ce n'est pas des amis du point de vue émotif, c'est des alliés. C'est l'intelligence qui a du cœur qui détermine le phénomène de l'amitié. Mais les individus, pour avoir des amis, doivent être capables de faire la différence entre l'amourachement, entre tomber en amour, entre monter en amour, pendant toutes ces affaires-là au complet. Cesser de s'interdire de s'alimenter de quelqu'un. Cesser de le forcer à nous alimenter. Cesser de le forcer à prendre ce qu'on lui donne. Il faut absolument que l'individu, il faut que l'humain devienne un être nouveau. La personne ici, là, en étant capable, premièrement, on parlait de l'empoisonnement, aujourd'hui, c'est évident qu'en appliquant ça, ça l'aide déjà, mais il faut que la personne soit capable, il faut qu'elle accepte de voir la différence entre s'alimenter astralement et s'alimenter égoïquement. Oui, mais quand je m'alimente astralement, mon ego s'alimente aussi. Ben, alimente-toi! Pourquoi? Parce que sans ça, tu traverses avec une pénurie telle énergie astrale, que de toute façon, ton ego va trouver des façons à s'alimenter, mais le corps astral étant tellement hypothéqué que le corps physique va finir par l'aide, le corps mental aussi, puis vous ne pourrez plus diriger. Alors une personne souvent dit « Oui, mais c'est intelligent d'y aller, mais je sens que mon ego aime ça. » Oh, mais vas-y quand même! Le but fondamental n'est pas d'écœurer l'ego. Mon ego aime ça, je ne vais pas. Si tu es intelligent, oui, vas-y. Si tu es intelligent, non, vas-y pas. Laisse pas l'ego. C'est pas une guerre contre l'ego. Il faut que tu émancipes ton intelligence. Il y a un gros roton. J'ai peur de voir son père. Si les humains supra-transportés empruntent un couloir spatio-temporel et qu'ils empruntent l'espace-temps de ce couloir, ne risquent-ils pas de rester pris dans ce couloir? Et si pour les humains, Le transport est instantané et qu'on se retrouve ici, puis là-bas, sans décalage du couloir. Je comprends pas. Non, mais c'est ça, mais c'est une question qu'il faut pas que vous la compreniez. Non, je comprends. Bon, premièrement, il n'y a pas de couloir spatio-temporel, puis il n'y a pas d'humain qui pourrait transporter. Et maintenant, on n'emprunte pas quand on est un être supramental. On n'emprunte jamais rien, on le prend. Bon, ça comprend. On n'emprunte pas, on ne remet pas sa place. Mais le sens de sa question, c'est de savoir s'il va être ici et là-bas en même temps. Non, le sens de la question, c'est pour s'amuser. Mais le sens de la question, simplement, c'est que, premièrement, on ne reste pas pris dans absolument rien. On est pris présentement dans le temps. Oui, c'est ça. Et on n'a pas le temps de tout expliquer la mécanique. Il y a plusieurs éléments intéressants à fouiller là-dedans, mais il faut qu'on place les choses à leur place. Sauf qu'il n'y a pas d'humain supra-transporté, l'intelligence supramentale ne transporte pas, puis supra veut dire au-delà. Donc, on ne peut pas être au-delà d'être transporté, au niveau supra-transporté. Je parlais des suffixes, ça, c'est un préfixe qui n'est pas à sa place. Maintenant, un couloir spatio-temporel, absolument pas, c'est pas nécessaire non plus. Et puis, il y a plein de choses qui seraient longues. Là. Je ne vais pas trop répondre à la question, parce qu'on n'aura pas le temps, de toute façon. La conférence ira sa fin. Okay. Mais le transport est plus facile que ça. On en reparlera aussi à un moment donné. Là. J'allais dire de quoi, mais je ne dis pas. Alors, il y en a une ici, c'est une question pour les couples. L'espoir que tout finira par s'arranger après 15 ans. Il n'y a rien de pire. Parce qu'il n'y a rien de pire. L'espoir, là, c'est la mort de l'humain. Ah, je sais. L'espoir, c'est la pire des farces. Tes fenêtres d'auto sont ouvertes, il se met à pleuvoir, t'espères qu'il ne pleuvra pas dedans, mais tu les ouvertes, parce que si c'est inscrit, tu ne pourras pas espérer, tu les refermes. Et le lendemain, vous t'essuies tout au complet, parce qu'il n'y a plus dedans. Hein. L'espoir, il n'y a rien de pire. Espérez pas que ça va s'arranger, ça ne s'arrangera jamais avec espoir. Ça peut s'arranger, ça peut ne pas s'arranger. L'espoir n'a rien à voir là-dedans. Je continue. Ouais. Est-il aussi une manipulation? Ben oui! Pas moi l'espoir. Hein? Alors qu'il s'agissait au départ de deux personnes qui n'ont pas à vivre ensemble. Ben, ils peuvent ne pas avoir vivre ensemble, mais s'ils sont rencontrés, il y a un minimum. Une chose qui est importante de toute façon. N'importe quel humain va t'amener de l'énergie que tu auras besoin. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut que tu comprennes bien qu'elle ne peut pas t'amener de tout. Donc, il faudra de toute façon que tu ailles bouquiner ailleurs. Ou que tu n'as pas nécessairement la faim pour l'énergie qu'elle amène. Ça peut être une chose aussi, tu parles trop faim par rapport à ce que t'amènes. Mais il n'y a pas d'humains les humains qui se connaissent présentement sont faits pour vivre ensemble. Toi, tu es fait pour vivre avec tout le monde ici, au complet. Tu vas dire, oh, voilà, un têteux là-bas, une têteuse là-bas, puis ici, puis ça. Oui, OK, parce que tu n'es pas fait encore pour vivre avec ce que les autres révèlent tes problèmes. Ouais. Ça, on comprend. Mais prends n'importe qui ici, puis t'es esthétique et intelligent, et ne tiens là-dedans que tu peux vivre non. avec. Bon, non. La femme ou le mari qu'on rencontre après 15 ans de problèmes, etc., ça se peut qu'on ne puisse plus vivre ensemble. C'est pas une question d'être faite pour vivre ensemble ou de ne pas être faite pour vivre ensemble. Puis l'espoir, il n'y a rien de pire. L'espoir, c'est une nourriture astrale. C'est-à-dire qu'on vous donne juste ce qu'il faut un petit peu, vous commencez à espérer, donc vous cessez de douter. Donc là, on continue à vous travailler en masse. Puis quand ça lâche un peu, on en donne un petit peu, vous espérez. Puis là, on continue à vous travailler. L'espoir, ça ne sert à rien. La personne, ce qu'elle a à faire, probablement, ça se peut qu'il faut qu'elle vive plus qu'une personne. Puis ça se peut que c'est mieux qu'elle reste avec cette personne-là parce qu'il faut s'en ramasser une pire ailleurs. Ce qui est important simplement, c'est de parvenir à se centrer sur soi, à avoir une opinion stable de ce que nous sommes, puis de s'arranger pour que personne n'embarque dans notre plan de vie. Puis, ce n'est pas une question d'idée de couple. L'égrégore de couple est à bannir, pas le couple. Ça fait empoisonneur. C'est l'égrégore qui est problématique. Ouais. C'est comme, oui, mais c'est pas l'individu qu'on doit éliminer, c'est l'astral dans l'individu. Bon. Alors, l'égrégore de couple, les couples, ils sont corrects. Cette personne-là, là, si vous entendez bien avec elle, là, voulez-vous rester avec? Oui, ben c'est ça. C'est la merde qu'on veut éclairer. C'est sûr qu'à un moment donné, si t'as pas la puissance, et j'expliquais bien ça, on n'a pas la puissance pour éclairer ce qui nuit, c'est peut-être mieux d'éliminer l'affaire au complet. Si on n'a pas la puissance. Maintenant, c'est pas une question. Si tu le fais tout de suite en disant, ah, ben crime, c'est vrai, ça a de l'allure, tu éclaires tout ça. Oui, mais tu vas rencontrer un autre pareil, parce que tout a appris à éclairer le problème, mais pas éclairer la source du problème. Donc, tu auras toujours des problèmes partout où tu vas aller. Quel que soit le pays ou quelle que soit la vie, tu n'auras rien changé. Alors, il faut, dans le couple, le problème, c'est l'égrégore de couple. Mais l'égrégore de couple, c'est un égrégore qui fait qu'on s'empoisonne mutuellement pour se limiter mutuellement. Il n'y a pas un assemblage de couple dans n'importe quelle religion, nation ou dans n'importe quel temps historique qui n'a pas été bâti sur l'idée de l'automanipulation limitatrice. Il n'y en a pas. Quand on est en couple, c'est pour se faire chier. Ça ne fait rien d'autre. Bon. Il n'y a aucun égrégore libre du couple sur la planète. Il faut le néotyper, il faut engendrer un nouvel égrégore. Les autres ont tous des archétypes de vieilles formes. Il n'y a aucun égrégore de couple nulle part. C'est toujours des tu dois respect ton mari, ou tu dois obéissance, ou t'es pogné le restant de tes jours. Il n'y a aucun rien. Quel que soit le temps, la nation actuelle ou la religion. Même les nouvelles religions, il n'y a pas d'égrégore de couple qui respecte l'humain à l'intérieur du couple. On respecte le couple, pas l'humain. S'il y avait le respect, il n'y aurait pas de religion. Ben, c'est évident. Bon, la famille, c'est important. La famille qui est importante, c'est l'humain qui est dans la famille. La famille est importante. Mais non, ils détestent tous, mais ils restent ensemble. La famille, c'est la force motrice. Ben c'est sûr, ça fait des petits, ça fait des couches. C'est la force motrice de l'économie. Ouais. Mais on vénère la famille, on vénère le couple, au détriment toujours de l'humain. Alors, c'est pas une question de couple. Quand on est en couple, là, c'est l'égrégore qui veut partir. Les humains sont corrects. C'est l'égrégore. Je répète toujours, ta femme, elle a des amis. Oh, une femme, elle est capable d'avoir des amis. C'est avec que je crois. Bon, puis ils l'aiment bien, eux autres. Oui. Irrespectable. Incorrect. Oui. T'as des amis. Oui. T'aimes bien ces amis-là. T'es respectable. Puis t'es correct. Elle, est-ce qu'elle s'engueule souvent avec ses amis? Non. T'engueules souvent avec tes amis? Pourquoi vous engueulez souvent ensemble? On s'engueule pas. Mais non, je comprends, vous autres, j'engueulez pas. Mais, je comprends l'idée que tu veux dire. On en arrive. Alors, le gros mot du problème, c'est ça. C'est que tout est correct, elle est correcte. Ensemble, l'égrégore fait que tout va mal. Mais non, mais là, moi, je vais lâcher, Non, tu n'es pas avec l'égrégore. Tu as rencontré un autre dans 2-3 ans. Ça ne va rien changer. L'égrégore, là, doit éclater. Il n'y a pas de temps, ensemble, c'est-à-dire qu'on a un double qui se crée. Eh oui. Comme, à un moment donné, tu vas voir, par exemple, tu arrives devant ta femme. Ben non, moi, je parle à ta femme, puis je dis, ah oui, c'est mon employé, puis il est vraiment correct, il est assidu, il est ci et ça. Là, elle va me dire, ah, assidu, lui. Lui, t'es un hypocrite, lui. C'est un maudit menteur. Là, il fait ça juste pour vous acheter. C'est un maudit hypocrite. Pourquoi il dit ça? Parce que chaque fois qu'elle te voit, tu n'es jamais assidu. Il faut comprendre que sa femme, c'est pas la réalité, là, mais que sa femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le force à ne pas être assidu. Pour y tomber chez elle. Alors, quand il travaille avec moi, il est tellement bien qu'il l'est. Alors, elle va dire, ah oh non, c'est un petit hypocrite. En plus, oh, il cache bien son jeu. Non, c'est parce que avec, bon, on regarde avec les enfants, c'est la même chose. Il y a des jeunes, là, que c'est des pestes pour certains profs. Mais avec d'autres professeurs, ça va bien. Fait qu'est-ce qu'ils se disent? Celui qui a des problèmes avec, c'est, oh, c'est parce qu'il veut t'acheter, oh, c'est un hypocrite, t'as été intelligent, puis c'est un maudit, je le sais. Non, ensemble, elle le force à devenir, je parle de mensongène, on a colérigène. Ouais. On est des êtres humains qui allons forcer les autres à mentir, les autres à être en colère, les autres à être hypocrites, des hypocrisogènes. Vous tenez tout ça, là? Oui. Bon. Alors qu'en réalité, non, c'est l'égrégore du couple. Quand tu dis nos enfants sont toujours bien élevés chez les voisins, puis sont toujours mal élevés chez nous, puis on devrait toujours éduquer les enfants des autres, c'est tellement plus facile. Oui. On force les gens à changer. Alors ça, c'est extrêmement important à comprendre au niveau de l'affaire du couple. On n'a pas besoin de faire éclater le fait de vivre à deux ou de faire éclater l'autre. L'égrégore du couple de famille. On doit le néotyper par quelque chose d'autre. Crime, tu ne restes pas avec quelqu'un pour finir ta vie. C'est ce qu'ils disent. Ensemble jusqu'à la mort. Pour passer le temps. Puis ça meurt vite. On les entend dans 10-20 ans. Avec, non, on a besoin de s'auto-alimenter. On n'est pas complet énergétiquement, comme il nous manque des minéraux, des protéines, des acides aminés, etc., des oligo-éléments. C'est la même chose au niveau des plans, du corps vital, astral, mental et même supramental. Donc, nécessairement, on va vivre en couple. On va avoir des enfants pour être capable d'exprimer une énergie dans un autre corps physique pour être capable de s'alimenter avec. Donc, les enfants vont nous alimenter. Nous, on les alimente aussi. On a besoin d'amis pour la même autre chose. Sauf qu'il y a toujours une structure de limitation. Alors, le moment où tu commences à être bien énergétiquement, dans l'égrégore de l'humain, de l'animal humain, il faut que tu tombes en amour. De ce fait, on a peur que tu tombes en amour avec un autre avec lequel tu t'entends bien. Fait qu'on va te placer des lois pour t'interdire d'aller te nourrir de l'autre. Mais c'est pas ça. C'est pas parce qu'on a peur que tu tombes en amour. C'est parce qu'on veut pas que tu t'alimentes de l'autre. Et pour t'obliger à empêcher l'autre de s'alimenter, donc de croître énergétiquement, on va s'arranger pour créer la peur de tomber en amour. Moi, je disais à un moment donné, il y a une femme, hein, en conférence, plutôt en séminaire. Mon mari, il veut coucher avec moi tous les soirs. Là, j'ai 45 ans, j'en ai ras-le-bol, puis j'en peux plus. Il est parfait, c'est un haut du bon gars, il a juste ça, le beau du problème. Qu'est-ce que je peux faire? Et je lui ai dit à la dame, je lui ai dit, présentez-lui une autre femme. Puis ça va, hein? Tout réglé. Le bonhomme, il va l'aimer pareil. Ceux qui vont voir des prostituées, là, ils aiment leur femme, mais à un moment donné, ils respectent assez qu'ils préfèrent coucher qu'un autre parce qu'ils sont pognés endocrinalement. Puis là, la femme, elle ne comprend plus l'idée. Les femmes qui ont des maîtresses, des maîtres, là, puis les bonhommes qui ont des maîtresses, pas une maîtresse, hein? à te diriger, c'est sûr, mais... En tout cas, ceux qui ont des concubins ou concubines... Des amants. Mais la majorité, là, le père, le, mettons, c'est un bonhomme, il couche avec une femme dans un secrétaire, avec un maître. Il a ses enfants puis sa femme. Probablement qu'il les aime énormément, c'est peut-être un merveilleux père de famille, peut-être un merveilleux mari, jusqu'au jour où la femme va savoir qu'il couche avec un autre. Mais ça dérange quoi, qu'il couche avec un autre? Lui, là, il est mal pris, il est pas nié, là, il allait passer sa gourde ailleurs. Puis quand il revenait, il était correct. C'était le bonheur. Mmh. Ben, ça c'est pas. C'est pas correct. Mon bonhomme, il faut qu'il souffre dans la maison, puis il faut qu'un instant... C'est anormal. Tout ce qu'il faut pour empêcher l'humain d'être bien. Tout ce qu'il faut pour empêcher l'humain d'être bien. Là, je dis pas qu'on couche avec n'importe qui. Ce que j'explique simplement, c'est que les lois ont été implantées uniquement. Les maladies vénériennes, c'est des maladies karmiques. Ça date de bien longtemps. Puis ces maladies-là sont aussi implantées dans le but de limiter l'humain. Tout, il y a tellement de choses. Ils ont fait des études, les religieux et les psychologues. C'est à peu près les deux grandes plaies au niveau de la conscientisation. C'est des solutions planétaires. Au niveau du déséquilibre. Alors, c'est sûr que spirituellement, un être humain va déséquilibrer. Ici, il arrive ceci, il arrive cela, etc. À l'instant où la psychologie a pris la relève de l'Église, l'Église est toujours là, mais ceux qui ne peuvent plus marcher avec l'Église ont marché qu'avec la psychologie. L'ésotérisme aussi, c'est une grande plaie. Bon, c'est les sept plaies du monde. Mais quand on parle de plaie, c'est intéressant, ça conscientise l'humain. L'occultisme, c'est la même chose. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on finit par trouver on va essayer d'expliquer qu'un être humain est déséquilibré à cause qu'il a vécu ça. Moi, à un moment donné, on me posait des questions pour me dire, monsieur Kem, l'affaire de l'enfant Teflon, j'ai trouvé ça comment? Bon, j'ai toujours su. Et vous avez dû souffrir dans votre jeunesse, vous. Parce que c'était pas souffert, c'était pas rien, rien à trouver. T'sais. Moi, il y a un déséquilibre quelque part dans ma vie qui a dû faire en sorte que je suis devenu conférencier pété, ou que je suis devenu psychologue paranoïaque, ou quelque chose. Bon, alors on va expliquer, par exemple, que les enfants ont des problèmes parce que les couples se désunissent. Et moi, je passe mon temps à leur expliquer, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va... Bon, prendre un enfant de 4-5 ans, par exemple, il va le déshabiller, puis il va juste le regarder, ou ben non, il va jouer avec, mais sans faire mal à l'enfant. Et puis là, c'est tout un drame, ça, pour l'enfant. Ben l'enfant, lui, tant qu'il ne savait pas que c'était un drame, il était bien heureux, il n'y a aucun problème. Enfin, quelqu'un qui donne de l'affection, enfin, quelqu'un qui aime aller se coller dessus, puis enfin, quelqu'un avec qui il est bien. Mais là, un instant, les psychologues vont être pas bien te le dire, ça va déséquilibrer l'enfant, il va devenir un pervers, puis tard. Fait que là, il faut qu'on le traumatise en lui disant qu'il s'est fait violer. Puis que l'autre est un dangereux, puis etc. Là, une fois rendu adulte, là, t'as peur de tous les gars que tu rencontres, t'as peur de toutes les filles que tu rencontres, tu sais plus si tu fais bien, tu sais plus si tu fais mal. À un moment donné, ben là, si tu désobéis, il faut faire l'amour, sans ça, c'est toute une notion de babel, uniquement parce qu'on considère toujours que c'est mal. L'humain, quand je peux en faire des plaies, l'humain doit finir par être capable, dans son intelligence, de transcender premièrement toute limitation, pas de se libérer, parce que là, nécessairement, il va aller faire ce pour quoi on a implanté les religions. Tout ce qui y avait devient satanique. Les religions, c'est une plaie dans une certaine stratégie de conscientisation. C'est absolument essentiel sur la planète Terre pour aider l'humain. Alors qu'à un moment donné, c'est ce qui devient la problématique. La psychologie, c'est la même chose. Bon, puis la médecine, c'est la même chose, etc. Les médecins sont totalement contre les psychologues. Les psychologues sont souvent contre les médecins. Mais ensemble, ils sont contre ce qui est neuf. Bon. Tout ça, c'est utile. Et ça fait partie des structures qui forcent l'humain à maintenir son schéma d'auto-souffrance à travers des limitations, soit spirituelles, soit d'équilibre, soit des paquets de belles gens. Puis l'occultisme ésotériste fait le même jeu. Puis tout ce qui fait partie de la conscience de l'ère nouvelle fait partie du même jeu. Dans l'ère nouvelle, il y a un paquet de lois. Je connais des gens, moi, là qui se parlent des petits villages, des petites communes d'ère nouvelle. Puis la première chose qu'ils nous montrent, là, c'est une pile de règlements. Ouais, on m'a demandé d'aller vérifier si c'était correct. Alors je leur ai dit, écoute, si tu as besoin de règlements, pour ce monde-là, c'est pas le bon monde. C'est pas le bon monde. Ah oui, mais il y a un règlement qui dit qu'on ne doit pas, par exemple, polluer le terrain de la commune. Ben écoute, si tu prends du monde correct, tu n'as pas besoin de mettre un règlement. Ils ne pollueront pas. Il y a un règlement qui dit qu'il ne faut pas coucher avec la femme d'un autre. T'as peur en sacrablu de l'air nouvelle, toi, là. Ils ne coucheront pas ensemble, c'est pas ça qui est l'idée. Mais on a un paquet de règlements au départ pour se créer, c'est ce que lui-même a toujours fait avec sa religion, avec la psychologie, se créer une espèce d'ambiance où on semble bien. Avec un paquet d'interdits. Oui, ma femme n'accouche pas de personne parce qu'elle n'a pas besoin. Non, t'as mis une loi pour qu'elle y aille. Bon, là, ça donne l'impression qu'on n'en a pas besoin. C'est typiquement de l'air nouvelle, ça. Je parle de la vraie air nouvelle. La vraie air nouvelle, c'est quoi? C'est que ta femme, elle peut coucher n'importe où. Est-ce qu'elle y va? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin. Tu sais, l'air nouvelle, tu peux manger n'importe quoi. Bon, tu manges toutes les affaires qui vont t'empoisonner? Non. Pourquoi? Y a-t-il une loi qui t'interdit? Non. Mais mange-en! Mais non, c'est épais. J'ai pas besoin de loi. Si j'en mange pas. Ça t'arrive souvent de manger de l'herbe à terre? Je suis à quatre pattes, c'est brouté. Pas souvent. Non. Il y a une loi dans la région qui interdit ça? Non, non. C'est l'air nouvelle, c'est ça. La vraie herbe nouvelle. Il n'y a pas de loi, l'humain est libre. Oui. J'ai une question qui est intéressante. On n'a pas le temps. Oui. Mais fais pause la ville. Tu dis que tu dois débloquer un canal en 92. Qui pour toi est important? De quel canal s'agit-il? Devrais-tu être désassujetti de tous les liens karmiques pour le faire? Ça, j'en parle pas. Pas à cause de vous autres, à cause de l'astral. Pas tout de suite qu'à un moment donné, vous saurez ce qu'il faut en savoir. En 93? Je ne sais pas. C'est pas. Alors là-dessus, je vous laisse. Joyeux temps.